La conversation s'engage. On parle d'abord du temps, puis de la circulation à Paris, de la situation internationale. Monsieur Courtois reprend du scotch, puis on revient à Paris, au restaurant de Paris, au libre-service, au fast-food que Monsieur Courtois déteste. C'est un scandale. Voir ça en France, quelle honte. Mais tout ça, c'est pas pire que les autres. Les restaurants universitaires ne servent peut-être pas de la haute cuisine, mais au moins ce sont de vrais repas, équilibrés. La conversation s'engage. On parle du temps. On parle d'abord du temps, puis de la circulation. On parle de la circulation à Paris, de la situation internationale. On parle d'abord du temps, puis de la circulation à Paris, de la situation internationale. De quoi parle-t-on ? Du temps, de la circulation à Paris, de la situation internationale. Et puis, des restaurants de Paris. On revient au restaurant de Paris. Au libre-service. Au fast-food. Enfin, on passe à table vers 20h30. Heureusement, parce que Robert commençait à mourir de faim. Bien, ben je crois qu'on peut passer à table. Voyons, Robert, ici à ma droite, Mireille, tu te mets là. Conception, quand vous voudrez. La bonne apporte le potage. Ah, du potage. Oui, enfin non. Plus exactement, c'est du gazpacho. C'est une spécialité de conception. Vous savez, ce sera très simple. Truites, gigots, fromage et dessert, c'est tout. C'est délicieux. Conception, votre gazpacho est délicieux. Puis la bonne apporte les truites et M. Courtois sert le vin blanc. Il dit, un peu de vin blanc, c'est le chablis que tu aimes. La moutonne. Ah, une bonne petite truite. Enfin, je crois que c'est le poisson que je préfère. Eh, monsieur Taylor, vous ne buvez pas? Regardez Mireille. Moi, j'ai un faible pour le chablis. On passe à table. On passe à table vers 20h30. Qu'est-ce qu'on fait vers 20h30? On passe à table. Robert avait faim. Robert avait très faim. Robert commençait à mourir de faim. La bonne apporte le potage. Qu'est-ce qu'on sert pour commencer? Du potage. Enfin, plus exactement, c'est du gazpacho. Oh, vous savez, ce sera très simple. Ce sera très simple. Truite. Gigot, fromage et dessert. C'est tout. Ce sera très simple. Truite, gigot, fromage et dessert. C'est tout. Ah oui, biche. Un peu de vin blanc? Un peu de vin blanc? C'est le chablis que tu aimes. Le moutonne. Ah, une bonne truite. Une bonne petite truite. Je crois que c'est le poisson que je préfère. Ah, une bonne petite truite, je crois que c'est le poisson que je préfère. Qu'est-ce qu'on sert après le potage? Les truites. Quel vin sert-on avec le poisson? Un chablis, le moutonne. Mais vous ne buvez pas! Monsieur Taylor, vous ne buvez pas! Regardez Mireille. Moi, j'ai un faible pour le chablis. Mireille a fini son verre de chablis. Pourquoi? Parce qu'elle a un faible pour le chablis.